13e soirée. Je regardais par les fenêtres d'un rédacteur de journal d'une ville d'Allemagne, me dit la lune. J'y voyais de beaux meubles, beaucoup de livres et un véritable chaos de journaux. Il y avait là plusieurs jeunes gens. Le rédacteur lui-même était à son bureau. Il avait à rendre compte de deux petits livres qui tous les deux avaient été publiés par deux jeunes auteurs. « On m'a envoyé ce livre, » dit le rédacteur. « Je ne l'ai pas encore lu, mais l'éditeur l'a bien soigné. Que pensez-vous de son contenu ?»« Ah !» dit un des jeunes gens qui était poète lui-même. « C'est beau, un peu délayé à la vérité, mais bon Dieu, l'auteur est jeune encore. Cependant, les vers pourraient être mieux tournés. Les idées sont saines, quoiqu'à la vérité, il y ait beaucoup de lieux communs. » « Mais que voulez-vous? On ne peut pas toujours inventer du neuf. Vous pourrez toujours le louer. Je ne crois pas que l'auteur se distinguera jamais. Cependant, il a beaucoup lu. C'est un excellent orientaliste. Il a le jugement sain. C'est lui qui a fait cette jolie analyse de mes fantaisies sur la vie domestique. Il faut être indulgent avec ce jeune homme. « Mais c'est un véritable âne, » dit un autre de ces messieurs. « Rien en poésie n'est plus terrible que la médiocrité, et lui ne l'a nullement dépassé. »« Le pauvre diable, » dit un troisième, « sa tante en est si fière. C'est elle, monsieur le rédacteur, qui a recueilli tant de souscriptions pour notre dernière traduction. »« La bonne dame, oui, j'ai rendu compte de ce livre en peu de mots. On ne peut pas méconnaître son talent. Le livre est bienvenu. » Une fleur dans le jardin de la poésie, l'édition est bien soignée, etc. Mais cet autre livre, son auteur veut probablement que je l'achète. On me dit qu'on en fait l'éloge. Il a certainement du génie, ne le croyez-vous aussi ? Oui, tout le monde le dit, répondit le poète, mais c'est un peu sauvage. La ponctuation surtout est l'inspiration d'un génie. Il sera bon pour lui d'être un peu ennuyé et déchiré, autrement il aurait une trop haute opinion de lui-même. Mais ce serait injuste, dit un quatrième. Ne critiquons pas ses petits défauts. Réjouissons-nous plutôt du grand nombre de bonnes choses qu'il y a dans son livre. Il l'emporte bien sur tous les autres écrivains. Non pas, si c'est véritablement un homme de génie. Il supportera très bien une critique mordante. Il y a déjà bien assez de gens qui l'élèvent au nu. N'achevons pas de le rendre fou. Le rédacteur se mit à écrire ce qui suit. Talent qu'on ne peut pas méconnaître. Des négligences comme à l'ordinaire. L'auteur sait faire de pauvres vers, comme on le voit page 25, où il y a deux hiatus. On lui recommande d'étudier les anciens, etc. « Je m'éloignais, » dit la lune, « pour regarder par les fenêtres de la maison où demeure la tante de l'autre poète. Il était là, le poète en vogue, le poète honnête et modéré. Tous les invités lui rendaient leurs hommages. Il était heureux. J'allais voir l'autre poète à son tour, le poète sauvage. Il était aussi en grande société chez son mécène qui le protégeait. On causait du livre du poète modéré. « Je vais lire votre livre aussi, » dit le mécène, « mais pour vous dire la vérité, vous savez que jamais je ne cache mon opinion. Je n'en attends pas grand-chose. Vous êtes beaucoup trop sauvage, beaucoup trop fantastique. Cependant, il faut vous rendre cette justice. Vous êtes un très digne homme. » Une jeune fille, assise dans un coin, lisait dans un livre les lignes suivantes. « Abat le talent et sa gloire. Le commun seul doit avoir cours. Elle est bien vieille, cette histoire, mais elle se voit tous les jours.